Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle écrite par Ray Bradbury. Elle est parue dans le recueil du même nom. Ray de Bradbury est un écrivain américain. Il est né en 1920, mort en 2012. C'est un auteur de tous les genres. Il fait de la science-fiction, il est scénariste, poète, il fait aussi du fantastique. Et par exemple, il a écrit le scénario de Moby Dick, un film que j'aime bien aussi. Il écrit toute sa vie jusqu'à la fin. Et puis, en son honneur, la NASA nomme le site d'atterrissage sur Mars du robot Curiosity, Bradbury Loading. Je trouve que c'est pas trop mal. Bien, bien, bien. Je commence. La nouvelle s'appelle « Meurtre en douceur ». Joshua Enderby s'éveilla au milieu de la nuit car il sentait des doigts sur sa gorge. Au-dessus de lui, dans les ténèbres fertiles, il devinait plus qu'il ne le voyait le poids plume de son épouse qui, assise sur sa poitrine, s'affairait à l'étrangler à petits coups tremblants et maladroits. Il ouvrit tout grand les yeux. Il comprenait ce qu'elle essayait de faire. C'était si grotesque qu'il faillit éclater de rire. Voilà qu'avec ses 85 années, sa carcasse branlante et son teint jauni, sa femme voulait le stranguler. Elle lui soufflait aux narines une haleine de rhum hébiteur et, perché sur lui, oscillant telle une phalène ivre, le manipulait comme un jouet. Elle laissa échapper un soupir exaspéré et ses doigts décharnés se couvrirent peu à peu de transpiration. Elle hoqueta. Tu veux pas, hein, tu veux pas. Je ne veux pas quoi, se demanda-t-il vaguement, sans faire mine de bouger. Il déglutit et l'imperceptible aller-retour de sa pomme d'Adam délogea la chétive étreinte. Je ne veux pas mourir, c'est ça, s'écria-t-il muettement. Il attendit quelques instants, au cas où elle réunirait assez de force pour lui régler son compte. Mais non. Fallait-il allumer la lumière et affronter Missy? Il risquait de la ridiculiser avec ses allures de poule maigrelette à califourchon sur l'anatomie ahurie de son époux aboré, lequel ne se privait pas de se gausser. Joshua Enderby gémit, puis bâilla. « Missy ?» Les mains se figèrent sur sa clavicule. « S'il te plaît !» Il se retourna, feignant le demi-sommeil. « S'il te plaît, tu veux bien ?» Nouveau bâillement. « Reste de ton côté du lit. Merci, tu es gentille. » Missy se déplaça dans le noir. Il entendit un tintement de glaçons. Elle s'offrait une autre lampée de rhum. Le lendemain midi, profitant du beau temps en attendant leurs invités, les deux vieux échangèrent des apéritifs sous la tonnelle. Il lui tendit un Dubonnet. Elle lui passa un Xérès. Il y eut un moment de silence. Chacun des deux contemplait son breuvage sans se décider à en prendre une gorgée. Lui tenait son verre d'une telle manière que sa grosse bague en diamant et or blanc projetait mille feux sur sa main de parkinsonien. Ses éclats le firent siller. Puis il finit par s'éclaircir bruyamment la voix. Tu sais, Missy, il ne te reste plus très longtemps à vivre. » Caché derrière une brassée de jonquilles rassemblées dans une vasque en cristal, Missy glissa un œil entre les fleurs à sa momie de mari. Tous deux avaient conscience du tremblement qui agitait les mains de l'autre. Elle portait une robe bleu cobalt, libéralement parsemée de paillettes, ainsi que des petites planètes scintillantes sous chaque oreille, et un motif écarlate lui tenait lieu de bouche. La catin de Babylone, mais version centenaire, songea-t-il sans humour. Comme c'est bizarre, mon cher. Oui, très bizarre, répondit Missy, non sans un raclement de gorge courtois. Il se trouve que justement, pas plus tard qu'hier soir, tu as pensé à moi ? Il faut que nous parlions. En effet, il le faut. Il s'inclina comme un mannequin de cire dans son fauteuil. Il n'y a pas d'urgence, mais si je t'élimine, ou si tu m'élimines, l'un ou l'autre, cela n'a pas d'importance. Protégeons-nous mutuellement, d'accord ? Non, ne me regarde pas de cet air stupéfait, ma chère. Il ne m'a pas échappé, ton petit galop d'hier soir, à cheval sur mes côtes. Tandis que tu me malaxais l'œsophage jusqu'à entendre les rouages tomber en place. Ou je ne sais quoi. Ciel ! Le sang monta aux joues poudrées de Missy. Tu ne dormais donc pas ? Même au début ? Je suis mortifiée. Je crois que je vais aller m'allonger. Ne dis donc pas de bêtises. Je suis à l'arrêta du geste. Si je meurs, il faut que tu sois protégée, que personne ne puisse t'accuser. Même chose dans mon cas. Si c'est toi qui meurs, à quoi bon nous donner un mal infini pour expédier l'autre, si c'est pour aller droit au gibet ou à la poêle à frire ? C'est juste, reconnut-elle. Je propose une série de témoignages réciproques d'admiration béate. Disons, de grandes démonstrations d'affection devant les amis, des cadeaux et ainsi de suite. Je dépenserai des fortunes en fleurs, en bracelets de diamants. Toi, tu m'achèteras des portefeuilles en cuir fin et des cannes baguées d'or. Je dois admettre que tu as de l'idée pour ces choses-là. Si nous donnons l'impression d'être follement amoureux, et depuis des temps immémoriaux, cela contribuera à écarter les soupçons. « Tu sais, » fit-elle avec lassitude, « il importe peu de savoir de nous deux qui mourra le premier, sauf que je suis très vieille et que j'aimerais bien avoir fait au moins une chose correctement dans ma vie. Moi qui ai toujours été d'un tel dilettantisme, je n'ai jamais eu d'affection pour toi. » De l'amour, oui, mais ça, c'était il y a 10 millions d'années. Mais tu n'as jamais été un ami pour moi. S'il n'y avait pas eu les enfants... Au diable, les mobiles, coupa-t-il. La vérité est que nous sommes deux vieilles ruines, sans rien d'autre à fiche que de casser leur pipe et d'en faire tout un plat. Ah, le jeu de vie à trépas serait-elle plus passionnante si nous établissions quelques règles, si nous nous y prenions avec méthode, sans que personne s'en mêle ? Depuis combien de temps ton complot aux fins d'assassinat est-il passé dans sa phase active ? Le visage de Missy s'éclaira. Tu te souviens de l'opéra la semaine dernière, quand tu as fait un faux pas en descendant du trottoir et que cette voiture a failli t'écraser ? Seigneur ! Il rit. Et moi qui croyais qu'on nous avait poussés tous les deux. Il se pencha et lâcha un gloussement. Eh bien, et toi, tu te souviens quand tu as glissé dans ta baignoire le mois dernier ? Eh bien, c'est moi qui avais graissé le fond. Instinctivement, elle poussa un hoquet de surprise, puis but un peu de Dubonnet et se figea. Il lut dans ses pensées et regarda fixement le verre que lui-même tenait à la main. « Tu ne l'aurais pas empoisonné par hasard ?» Il flaira le liquide. « Ne dis donc pas de sottises, » répliqua-t-elle en posant à la surface de son Dubonnet le bout soupçonneux d'une langue de lézard. On retrouverait le résidu dans ce qui te reste d'estomac. En revanche, je te conseille de vérifier par deux fois l'eau de ta douche ce soir. J'ai trafiqué la température, qui, en l'état, pourrait bien provoquer une attaque. « Tu as fait ça ? » s'esclaffa-t-il. « J'y ai pensé, » confessa-t-elle. Le carillon de la porte d'entrée retentit. Mais sans sa gaieté habituelle, avec quelque chose de funèbre. « Absurde !» songea Joshua. « Tu parles !» se dit Missy, avant de reprendre sur un ton plus allègre. « Nous avions oublié nos invités, les gauveries. Lui est ennuyeux à mourir. Mais sois gentil et arrange ton col. Il est drôlement serré, trop amidonné. Encore une ruse pour m'étrangler? Je regrette bien de ne pas avoir eu cette idée-là. Allons, pressons maintenant. Ils allèrent donc, bras dessus, bras dessous, et riant bêtement, à la rencontre des invités à demi oubliés. On servit les cocktails. Les vieilles reliques prirent place côte à côte, entrelacèrent leurs doigts comme des collégiens, et rirent avec une cordialité bien modeste aux plaisanteries dramatiques de Gauvry. Ils se penchaient en avant pour bien montrer leur sourire de porcelaine en disant « Ah, elle est bien bonne !» sur un ton claironnant avant de commenter sotto voce, l'un pour l'autre. « Tu as une autre idée ?»« Le rasoir électrique dans ton bain ?»« Pas mal, pas mal !»« Et là, Pat dit à Mike !» s'exclama M. Gauvry. Discrètement, Joshua souffla à Missy. « Tu sais, j'ai pour toi une inimitié dont les colossales proportions se rapprochent de celles qu'on ressent à l'occasion du premier amour. Tu m'as appris le désastre, alors comment ?» « Quand le professeur sera prêt, l'élève arrivera, » souffla Missy. Les rires s'enflaient, s'écrasaient, tourbillonnaient comme des vagues. Le salon était en proie à une espèce d'étourdissement désinvolte et léger. Et alors Pat dit à Mike, « Tu n'as qu'à le faire toi-même, » tonna Gauvry. « Ha, ha !» explosa tout un chacun. « À toi maintenant !» Missy fit un geste en direction de son antique mari. « Raconte-leur une de tes blagues, à toi !»« Oh, mais avant, » se souvint-elle avec propos, « file donc à la cave nous chercher du cognac, mon chéri !» Gauvry s'empressa, affolé de courtoisie. « Je sais où il est. »« Mais non, monsieur Gauvry, ne vous donnez pas cette peine. » Missy gesticula frénétiquement. Monsieur Gauvry s'élança. « Flûte, flûte, flûte, flûte !» s'écria Missy. Une seconde plus tard, Gauvry poussait un grand cri, suivi d'un craquement de tonnerre. Missy sortit, clopin clopant, pour réapparaître presque aussitôt, la main refermée sur sa gorge. « Mon Dieu, quelle poisse !» gémit-elle. « Venez voir, j'ai bien l'impression que M. Gauvry est tombé tout droit dans l'escalier de la cave. » Le lendemain matin, Joshua Enderby rentra en traînant les pieds, écrasé sous le poids d'un grand présentoir tendu de feutrine verte, qui devait bien mesurer 5 pieds sur 3 et sur lequel étaient fixés des pistolets. « Je suis là » cria-t-il. Missy fit son apparition. Un Rom Collins dans une main orné de bracelets brinque-ballant et dans l'autre une canne dont elle martelait le sol. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle d'un ton impérieux. « Dis-moi d'abord comment se porte ce vieux Gauvry ?» Une jambe cassée, si seulement c'était les cordes vocales. Déplorable accident. Cette première marche décelée, hein ? Le vieillard suspendu au mur le panneau de feutrine. Une chance que ce soit Gauvry qui ait voulu chercher le cognac, et pas moi. Oui, déplorable. Son épouse but avidement. Explique. Je me fais collectionneur d'armes anciennes. Il indiqua les pistolets bien proprement sertis dans leur nid de cuir. « Je ne vois pas. » Avec une collection d'armes à nettoyer. « Pan !» radieux, il poursuivit. Il tue sa femme en huilant son pistolet de jarretière. Le veuf fait pleurer, déclare. « J'ignorais qu'il était chargé. » « Bien vu » commenta-t-elle. Une heure plus tard, tandis qu'il huilait un revolver, il faillit se faire sauter la cervelle. Sa femme arriva, accompagnée par les chocs sourds de sa canne, et pétrifiée, lui dit « Mince, tu es toujours vivant ?»« Il était chargé, bon Dieu !» Il leva l'arme d'une main tremblante. « Pourtant, aucun ne l'était, à moins que... » « Que quoi ?» Il s'empara de 3 autres armes, tous chargées. « Toi ?» « Moi !» fit-elle, « pendant que tu déjeunais. Eh bien, il va sans doute falloir que je te fasse du thé maintenant. Allez, viens !» Il regarda fixement le trou que la balle avait creusé dans le mur. « Du thé, tu parles. Où est le gin ?» C'était son tour à elle de faire des dépenses. Il y a des fourmis dans la maison. Elle secoua à grand bruit son sac à provisions, bien rempli, puis disposa des pots de pâte anti-fourmis dans toutes les pièces, avant de répandre de la poudre sur les appuis de fenêtres, dans le sac de golf de son mari et même sur sa collection d'armes. D'autres sacs encore. Elle tira de la mort au rat, de quoi se débarrasser de toutes les souris et exterminer tous les insectes. Mauvais temps pour les cafards. Elle distribua libéralement ses substances dans le garde-manger. « C'est une arme à double tranchant, observa-t-il. Tu risques de tomber dessus. » « Sottise, ce n'est pas la victime qui doit choisir le sort qui l'attend. » « D'accord, mais alors pas de violence. Je veux présenter un visage serein au légiste chargé de déterminer les causes de ma mort. »« Quelle vanité, Joss, mon ami. Ta figure se contractera au point de ressembler à un tire-bouchon quand j'aurai mis une grosse cuillerée de mon mélange spécial dans ton chocolat chaud du soir. »« Et moi, contra-t-il. » « Je connais une recette qui fera pousser 1000 grosseurs sur ton corps avant que tu n'expires. » Elle se calma. « Mais enfin, Joss, jamais je n'utiliserai ce mélange spécial pour toi. » Il s'inclina. « Et moi, jamais je ne confectionnerai la recette aux 1000 grosseurs. »« Top là !» conclut-elle. Les petits jeux d'assassins se poursuivirent. Il fit l'acquisition d'énormes pièges à rats dans l'intention de les dissimuler un peu partout. Tu te promènes toujours pieds nus, à petites blessures, grosse infection. De son côté, elle piqua dans les canapés d'innombrables épingles à têtière. Partout où il posait la main, le sang perlait. Aïe ! Zut ! Il suça son doigt. Est-ce que ce sont des fléchettes empoisonnées, telles qu'en soufflent avec leurs sarbacanes les Indiens d'Amazonie ? Mais non, seulement de vieilles aiguilles rouillées, contaminées par le tétanos. Ah ! Malgré sa vieillesse galopante, Joshua Enderby adorait conduire. On le voyait couramment sillonner Beverly Hills avec toute la fougue que lui permettaient ses forces déclinantes, la mâchoire pendante et l'œil pâle, tout papillonnant. Un après-midi, il appela de Malibu. « Missy, si tu savais, j'ai failli tomber de la falaise. Ma roue avant s'est envolée en pleine ligne droite. » Oh, j'avais pourtant tout combiné pour que cela arrive dans un virage. Excuse-moi. J'avais trouvé l'idée dans un magazine pour hommes. Il suffit de desserrer les tenons et hop, spécial ketchup. Ne parlons plus de ma vieille carcasse inutile, commenta-t-il. Quoi de neuf de ton côté ? Le tapis de l'escalier a glissé, la bonne est tombée sur le derrière. Pauvre Lila. À partir de maintenant, je l'envoie partout en éclaireuse. Elle a dégringolé comme un vrai sac de linge. Elle a de la chance d'être aussi grosse. À nous deux, on risque de la tuer si on ne fait pas attention. Tu crois ? Oh non, c'est que je l'aime bien, moi, Lila. Donne-lui quelques jours de congé ou bien embauche quelqu'un d'autre. Si c'est une inconnue qui se trouve prise dans notre tir croisé, ce sera moins triste. « Je ne voudrais pas que Lila soit écrabouillée sous un lustre, ce genre de choses. »« Un lustre ?» s'exclama Missy sur un ton strident. « Tu n'as tout de même pas trafiqué les pendeloques en cristal de ma grand-mère, celle du palais de Fontainebleau. » Là, je dis non. Interdiction de toucher à ça. « Promis, » marmonna-t-il. « Bonté divine, quand je pense à la beauté de ce lustre, s'il me manquait en tombant, toute boiteuse que je suis, je te tuerais à coups de canne, dussé-je me tenir sur une seule jambe. Puis, je te ressusciterais pour t'en refaire tâter. » Le récepteur s'abattit à grand bruit sur son socle. Joshua Enderby, qui était allé fumer sur le balcon, rentra ce soir-là pour dîner et examina la table. « Je ne vois pas ton habituel beignet à la fraise. »« Je n'avais pas faim. Je l'ai donné à la nouvelle bonne. » Imbécile ! Elle lui lança un regard furieux. « Ne me dis pas que tu l'avais empoisonné, espèce de vieux fils de... » Un grand bruit dans la cuisine. Joshua alla voir et revint. « La bonne n'est plus nouvelle, » conclut-il. Ils tassèrent la nouvelle bonne dans une malle, au grenier. Personne ne téléphona pour s'enquérir de son sort. « Décevant, » constata Missy le septième jour. « J'étais sûre de voir débarquer un grand type très froid avec un carnet et un autre avec un appareil photo et plein de flashs. Cette pauvre fille était encore plus seule qu'on ne le pensait. » Les cocktails se succédaient frénétiquement dans tous les coins de la maison. C'était une idée de Missy. Ainsi, on pourra se déquiller mutuellement dans une véritable forêt d'obstacles. On sera des cibles mouvantes. Monsieur Gauvry, toute rancune oubliée, malgré la chute pêle-mêle du mois précédent et la claudication subséquente, revint raconter ses blagues, pousser ses éclats de rire et manquer de justesse se faire sauter une oreille avec un des pistolets de collection prévus pour le duel. Tout le monde hurla de rire, mais on prit congé plus tôt que d'habitude. Gauvry jura de ne plus remettre les pieds dans cette maison. Puis, ce fut le tour d'une certaine Miss Coomer, qui, passant la nuit chez les Enderby, emprunta le rasoir électrique de Joshua et faillit s'électrocuter. Elle repartit en se frottant l'aisselle droite. Joshua s'empressa de se laisser pousser la barbe. Peu après, un certain Monsieur Schlagel disparut. Puis, un certain Monsieur Smith. On les vit pour la dernière fois un samedi, à une soirée chez les Enderby. Vous jouiez à cache-cache ou quoi ? Les amis donnèrent à Joshua des bourrades bienveillantes. Comment vous y prenez-vous ? Vous leur refilez des champignons vénéneux en les faisant passer pour comestibles ? Très drôle, gloussa Joshua. Non, non, ce n'étaient pas les champignons. Le premier s'est enfermé dans la chambre froide. Le lendemain, c'était devenu une tarte esquimaude. L'autre s'est pris les pieds dans un arceau de croquet. Il est passé à travers une des baies vitrées de la serre. Oh, s'exclamèrent les invités. Une tarte esquimaude et un défenestré. Cher Joshua, décidément, vous êtes un sacré numéro. C'est l'entière vérité, protesta Joshua. Qu'allez-vous encore inventer ? Oui. On se demande sincèrement ce qui a pu arriver à ce vieux Schlagel et à ce voyou de Smith. C'est vrai, au fait, que leur est-il arrivé sans qu'il m'ici quelques jours plus tard? Je vais t'expliquer. La tarte esquimaude, c'était mon dessert. Mais l'arceau de croquet, ah non, c'est toi qui l'as planté en dehors du parcours dans l'espoir que je viendrais faire un tour par là et que je piquerais une tête dans les vitres de la serre. Missy se changea en pierre. Apparemment, il avait touché une corde sensible. Il est temps d'avoir une petite conversation, toi et moi, annonça-t-il. Annulons les soirées prévues. Une victime de plus et les sirènes précéderont de peu l'arrivée de la marée chaussée. Tu as raison, acquiesça Missy. Notre entraînement au tir semble chaque fois se solder par des balles perdues. Et à propos de l'arceau, tu vas toujours te promener autour de la serre avant de te coucher. Mais cette andouille de Schlagel, quelle est-il fabriquée là-bas à 2 heures du matin ? Quelle âne bâtée ! Il est toujours sous le compost ? Oui, jusqu'à ce que je le fourre dans le grand congèle. Aïe, plus de soirée donc. Non, rien que toi et moi. Et le lustre. Ah ça non, j'ai caché l'escabeau pour que tu ne puisses pas l'atteindre. Oh, flûte, conclut Joshua. ce soir-là, devant la cheminée, il versa quelques verres de leur meilleur porto. Profitant de ce qu'il allait répondre au téléphone, elle versa un peu de poudre blanche dans son propre verre. « Ça ne me plaît pas du tout, » murmura-t-elle. « Ça manque terriblement d'originalité. Mais il n'y aura pas d'autopsie. Il avait déjà une tête de déterré bien avant de casser sa pipe. Diront-ils avant de refermer le couvercle ?» Sur quoi elle ajouta une pincée de substance mortelle au moment même où son mari revenait s'asseoir et prendre son verre. Il le contempla, puis décocha un sourire à sa femme. « Non, tu n'aurais pas fait ça !»« Fais quoi ? » dit-elle en toute innocence. Dans l'âtre, le feu crépitait chaleureusement, doucement. Sur la cheminée, la pendule tic-taquait. « Tu ne verrais pas d'inconvénient, n'est-ce pas, ma chère, à ce que nous échangions nos verres ? Tu ne penses tout de même pas que j'ai versé du poison dans le tien pendant que tu étais sortie ? Ce serait d'une banalité, mais toujours possible. Eh bien alors, échangeons. Tu m'enquiquines avec toutes tes histoires. » Il eut l'air surpris, mais accepta l'échange. « Je ne bois pas. « Pas à ta santé !» firent-ils simultanément, avant d'éclater de rire. Ils burent avec un sourire énigmatique. Après quoi, ils attendirent avec une satisfaction indicible, bien installés dans leur fauteuil, tandis que la lueur mouvante du feu allumait des chatoiements sur leur visage d'une pâleur fantomatique. Ils attendirent donc que le porto réchauffe leurs veines quasi arachnéennes. « Ah » soupira-t-il, « vraiment, rien ne vaut un bon porto. » Missy laissa aller en arrière sa petite tête grise, cédant à l'assoupissement, mâchonnant ses lèvres rouges gluants et lançant à son vis-à-vis des regards alanguis teintés de secret. « Pauvre Lila » souffla-t-elle. « Oui, » murmura-t-il, Lila la pauvre. Le feu émit une petite détonation et Missy ajouta au bout d'un long moment. Pauvre monsieur Schlagel. Oui, il sombrait à son tour dans l'engourdissement. Pauvre Schlagel, sans oublier monsieur Smith. Et toi, vieux bonhomme, énonça-t-elle enfin, avec une lenteur infinie, comment te sens-tu ? J'ai sommeil. Très sommeil ? Un vague assentiment, il la dévisagea d'un œil brillant. Et toi, ma chère, comment te sens-tu ? J'ai sommeil aussi, dit-elle derrière ses paupières closes, qui tout à coup se rouvrirent toutes grandes. Pourquoi ces questions ? En effet, renchérit-il brusquement sur le qui-vive. Pourquoi ? Ah, c'est juste que. Elle regarda attentivement son petit soulier noir aller venir sans hâte le long de son tibia, bien au-dessous du genou. « Je pense, ou du moins j'imagine, que je viens de détruire tes systèmes digestifs et nerveux. » Pour l'instant, tout à sa somnolence béate, il contemplait avec attention le feu réconfortant en écoutant la pendule tic-taquer, puis « Tu veux dire que tu viens de m'empoisonner ?» Il remâcha rêveusement ces quelques mots. Puis, « Tu m'as... »« Quoi ?» Il sursauta. Ses poumons se vidèrent d'un coup. Le verre à porto se brisa sur le sol. Elle se pencha en avant, telle une diseuse de bonne aventure, avide de prédire l'avenir. « J'ai eu la brillante idée d'empoisonner mon propre porto, sachant que tu voudrais faire l'échange, histoire d'être tranquille. Mais c'est bien ce qui s'est passé. » Un rire tonitruant. Elle se laissa retomber dans son fauteuil, les mains plaquées sur la figure pour arrêter la folle rotation de ses globes oculaires. Puis la mémoire lui revint d'un coup et il partit d'un éclat de rire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria Missy. « Pourquoi ris-tu ? » ?»« Parce que, hoqueta-t-il, les joues inondées de larmes et les lèvres étirées par un affreux rictus. J'ai empoisonné mon propre verre en comptant sur l'occasion d'échanger avec toi. « Oh non !» s'exclama-t-elle en cessant de sourire. « Comme nous avons été bêtes, j'aurais dû m'en douter. C'est que, l'un comme l'autre, nous sommes bien trop malins, au contraire. » Il se laissa râler contre son dossier en gloussant. « Quelle mortification ! Comme c'est gênant ! Je me sens nue comme un ver. Je me déteste !»« mais non !» fit-il d'une voix rauque. « Au lieu de cela, pense à la haine que tu as pour moi. Elle emplit tout mon cœur et toute mon âme, si racorni soit-il. Et toi ? Point de pardon sur le lit de mort, en ce qui me concerne. Ô mon épouse, vieille vierge de fer au teint de lys. Adieu, ajouta-t-il, imperceptiblement déjà loin. Si tu crois que je vais te rendre ton adieu, tu te fais des idées folles, chuchota-t-elle, tandis que sa tête roulait sur son côté. Les yeux hermétiquement clos, les lèvres molles et les mots mâchonnés, elle ajouta. « Ah, et puis après tout, sur quoi son souffle s'interrompit et le feu se consuma jusqu'à ce qu'il n'en reste que cendre. La pendule emplissait de son tic-tac ininterrompu le silence de la pièce. Des amis les trouvèrent le lendemain jetés dans les fauteuils de la bibliothèque. Ils avaient l'air plus contents que d'habitude. « Suicide par consentement mutuel, s'accorde-t-on à leur dire. Leur amour était si grand. Et ils n'ont pu supporter l'idée que l'autre s'évanouisse seul dans l'éternité. « J'espère, déclara M. Govry, en s'appuyant sur ses béquilles, qu'un jour, mon épouse et moi trinquerons dans les mêmes circonstances. » Eh bien, voilà, voilà. Bon, une façon comme une autre à dire au revoir en ce monde. Hein. Je vais donc vous laisser sur ces pensées réjouissantes toute une semaine. Allez, à tout bientôt sur Radio Gémozo. Et je vous laisse avec une musique. À tout bientôt. Run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now to deal invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. Thank you. then consented to be read. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you, the file on you complete, except what we forgot to do. And kisses deep. And kisses deep.